Chapitre 7e. Servir ou se servir. Un soir, dans le petit local servant de bureau à la section syndicale autonome de l'hôpital, Karim discute avec le secrétaire de l'organisation. L'expression tirée des visages montre une pénible tension des esprits. « Tant que nous aurons ce problème de chef, déclare Karim, où le but principal est d'occuper un fauteuil et de commander aux autres, l'autonomie syndicale ne sera pas efficace. » Les travailleurs, les employés étant ce qu'ils sont, rétorque l'autre, il faut bien un chef. Sans lui, comment savoir prendre les décisions nécessaires et les faire appliquer? Mais pourquoi ceux qui aspirent à être les chefs ne s'entendent pas entre eux, de manière égalitaire? Pourquoi chacun veut être le chef des autres, le chef des chefs? Est-ce que toi aussi tu ne voudrais pas être le chef pour faire triompher tes idées? Non, je n'ai pas besoin d'être chef. Si mes idées sont bonnes, elles triompheront par elles-mêmes. Moi, je n'ai vu ça nulle part. Servir ou se servir, il faut choisir. Que veux-tu dire par là? Servir, c'est suivre quelqu'un d'autre, donc exécuter. Se servir, c'est suivant tes propres idées, donc commander. Constatant la contrariété totale de Karim, l'autre ajoute « Parce que malgré ce qu'on appelle la civilisation et le progrès, les gens restent des bêtes, des moutons, qui ont besoin d'un chef, d'un berger pour les diriger. Que cela nous plaise ou pas, c'est ainsi. » As-tu oublié notre proverbe populaire? Si toi et moi sommes mères, qui conduira les ânes? Les travailleurs, objecte Karim avec véhémence, ne sont pas des ânes, et chacun d'eux peut être maire. Ils l'ont prouvé durant l'autogestion. L'autogestion, réplique l'autre, les yeux écarquillés de surprise. Oui, l'autogestion. Moi, c'est la première fois que j'en entends parler de manière positive. Un homme et une jeune femme entrent dans le local. Le premier est un quinquagénaire. La seconde, à une trentaine d'années, se nomme Yamina. Excusez le retard, dit le plus âgé. Le service avant tout, lance Yamina. Elle ajoute en plaisantant. Vous faites la réunion à vous deux ou quoi? Non, dit le secrétaire, en vous attendant, Karim et moi discutons un problème important. Alors poursuivez et nous écouterons, dit la femme. Les deux nouveaux venus s'assoient sur des chaises. Où étions-nous? Demande le secrétaire à Karim. Au problème de l'autonomie syndicale. Ce qu'elle doit être, pas une courroie de transmission des décisions de l'État, mais une réelle émanation des désirs des travailleurs. Crois-tu que l'État le consentirait? Objecte le secrétaire. N'as-tu pas vu tous les obstacles qu'il dresse contre tout syndicat se déclarant autonome? Il faut quand même, réplique Karim, lutter pour contraindre les dirigeants de l'État à reconnaître l'autonomie, sinon, agissons sans tenir compte d'eux. Comment cela serait-il possible? Conteste le secrétaire. Ils ont la police, leurs bureaucrates et surtout l'armée. Un État qui les utilise contre ses citoyens n'est pas légitime, affirme Karim. D'accord, admet le secrétaire. Toutefois, la société ne peut pas fonctionner sans État. Je ne suis pas certain de cette nécessité, déclare Karim. Le secrétaire sursaute en écarquillant les yeux de stupeur. Comment ça, tu crois possible une société sans État? Les trois présents fixent Karim perplexe. Attendant un déni, il reste silencieux. Ah, peut-être suis-je allé trop loin. Il se rappelle les trois livres empruntés chez Sylaphide. Par prudence, il préfère ne pas les évoquer. Le secrétaire reprend, très crispé. Serais-tu contre l'État? Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pose simplement la question suivante. Si l'État ne représente pas réellement les intérêts du peuple, comme il le prétend, quelle serait alors sa légitimité? Le secrétaire, pris au dépourvu, ne sait quoi répondre. Karim a raison, intervient Yamina. Une casserole ne servant pas à cuire la nourriture, à quoi sert-elle? La métaphore provoque un rire collectif. En effet, confirme le quinquagénaire. Mais enfin, objecte le secrétaire, toute société a besoin d'un État, qu'il soit bon ou mauvais, sinon les gens se mangeraient les uns les autres. Karim hésite. Est-il prudent de continuer à parler, de révéler mes idées? Que réponds-tu? Insiste l'étatiste à l'adresse de Karim. Les trois collègues le dévisagent, attendant sa réponse. Pour éviter de provoquer une réaction trop négative de ses auditeurs, Karim s'explique du ton le plus humble. Je vous avoue que jusqu'à très peu de temps, je croyais avoir des convictions inébranlables à propos de l'État, à savoir qu'il est indispensable, point c'est tout. Puis j'ai constaté par des lectures que l'État a une histoire spécifique et que sans la connaître, on ne comprend rien au fonctionnement de la société. Un jeune homme surgit en haletant. La réunion est finie? Elle n'a même pas commencé, déplore le secrétaire. Le quinquagénaire éclate d'un rire bon enfant. Les colonialistes ont quitté notre pays en nous laissant des horloges. Cependant, La plupart d'entre nous ne savent pas encore respecter le temps qu'ils indiquent. » Karim revient à la discussion en s'adressant au secrétaire. « Si tu es prêt à connaître la nature de l'État et ses fonctions, je te prête quelque chose à lire. Je n'ai pas besoin de lire, mais d'agir. » « Comment, objecte Karim, bien agir sans suffisamment lire ?» Trois hommes entrent dans le local. « Ah, enfin !» constate le secrétaire. Il se tourne vers Karim en indiquant les retardataires. « Voilà une société sans chef, pas de discipline, même pour l'heure d'une réunion. » Karim juge inopportun de prolonger la discussion. Il préfère laisser place à l'assemblée. Toutefois, il déclare « Je propose d'ajouter à l'ordre du jour la question du chef et la manière d'éliminer cet handicap. » Les questions à débattre sont déjà nombreuses, il fait tard, proteste le secrétaire. Alors, suggère Karim, inscrivons cette question pour la réunion suivante.